Chapitre 8e, la beauté et la mode. Quelle est au XVIIIe siècle cette forme matérielle de la femme, périssable et charmante, qui paraît suivre les modes humaines et dont chaque société semble renouveler le moule entre les mains divines, image de l'âme de la femme qui est la figure d'un temps, la beauté? Demandez à l'art, ce miroir magique où la coquetterie du passé sourit encore. Visitez les musées, les cabinets, les collections. Promenez-vous dans ces galeries où l'on croit voir un salon d'un autre siècle, rangé contre les murs, immobile, muet, et regardant le présent qui passe. Étudiez les estampes, parcourez ces cartons de gravure, où dans le vent du papier qu'on feuillette, passe l'ombre de celles qui ne sont plus. Allez de Nattier à Drouet, de Latour à Rosselin, et que dans ces 1000 portraits qui rendent un corps à l'histoire, une personnalité physique à tant de personnages disparus, la femme du XVIIIe siècle vous apparaisse, qu'elle ressuscite pour vous, que vos yeux la retrouvent et qu'elle leur soit présente, trois types se dessineront au bout de votre étude. Comme exprimant et résumant les trois caractères généraux de la beauté du XVIIIe siècle et ses trois expressions morales. Le premier de ces types sera la femme sortant du siècle de Louis XIV. Qu'on la prenne au hasard dans cet Olympe de princesse, avant-garde effrontée du siècle de Louis XV, s'avançant sur les nuages d'un triomphe mythologique, la patte du lion de Némée sur la gorge, ou les guerres d'épée à la main, c'est un front petit, étroit et bas, un front fier et court. La dureté du sourcil, épais et large, ajoutée à la dureté de l'œil rond, grand, ouvert, presque fixe. Le regard, que les cils n'adoucissent pas, mêle une effronterie impérieuse à l'ardeur sourde du désir entêté. Le nez est léonin, la bouche forte et charnue, et le menton n'allonge point l'ovale ramassé qui s'élargit aux pommettes. Ce sont là les belles inhumaines du beau temps, beauté bien nourrie, dont la santé allume les joues sous les plaques du rouge vif. Elles n'attirent point, elles fascinent par une certaine majesté d'impudeur, par des attraits de force, de volonté, de hardiesse. Une sérénité païenne les tient dans un repos superbe. On dirait que, repues, elles couvent encore l'amour. Leur air bovin fait songer à Junon et à Pasiphaé. Il y a dans ces bâtardes de la fable et de la régence, je ne sais quelle grâce antique alourdie qui appelle les comparaisons d'Homère et de Virgile et les fait venir naturellement à la bouche du temps, à la bouche du président Hainaut, appelant celle-ci Vénus de l'Énéide, appelant celle-là Cléopâtre piquée par l'aspic. Ce type que le temps efface et qui disparaît presque avec les orgies du palais royal, on le retrouve plus tard dans le siècle. Mais alors il a perdu son expression, sa dureté, sa grandeur. Il est devenu poupin, mignard, enfantin. Le rêve du peintre lui donne le sourire et de ses traits, Boucher fait le masque de ses amours. Puis un sculpteur, à la fin du siècle, reprend encore le visage de la femme de la régence et lui donnant la jeunesse, la légèreté, la lascivité, tout en respectant ses lignes, tout en lui laissant le front court et les yeux écartés, Clodion fait de cette tête de bacchante au repos une tête de nymphe folâtre et vive. Mais déjà, au milieu des déités de la régence, apparaît un type plus délicat, plus expressif. On voit poindre une beauté toute différente des beautés du palais royal, dans cette petite femme peinte en buste par la Rosalba et exposée au Louvre. Figure charmante de finesse, de sveltesse et de gracilité. Le teint délicat rappelle la blancheur des porcelaines de Saxe. Les yeux noirs éclairent tout le visage. Le nez est mince, la bouche petite, le cou s'effile et s'allonge. Point d'appareil, point d'attribut d'opéra, rien qu'un bouquet au corsage, rien qu'une couronne de fleurs naturelles effeuillée dans ses cheveux aux boucles folles. C'est une nouvelle grâce qui se révèle et qui semble, même avec ce petit singe grimaçant qu'elle tient contre elle de ses doigts fluets, annoncer les mines et les attraits chiffonnés dont va raffoler le siècle. Peu à peu, la beauté de la femme s'anime et se raffine. Elle n'est plus physique, matérielle, brutale. Elle se dérobe à l'absolu de la ligne. Elle sort, pour ainsi dire, du trait où elle était enfermée. Elle s'échappe et rayonne dans un éclair. Elle acquiert la légèreté, l'animation, la vie spirituelle que la pensée ou l'impression attribue à l'air du visage. Elle trouve l'âme et le charme de la beauté moderne, la physionomie. La profondeur, la réflexion, le sourire vient au regard et l'œil parle. L'ironie chatouille les coins de la bouche et perle, comme une touche de lumière, sur la lèvre qu'elle entr'ouvre. L'esprit passe sur le visage, l'efface et le transfigure. Il y palpite, il y tressaille, il y respire. Et mettant en jeu toutes ces fibres invisibles qui le transforment par l'expression, l'assouplissant jusqu'à la manière, lui donnant les mille nuances du caprice, le faisant passer par les modulations les plus fines, lui attribuant toutes sortes de délicatesses, l'esprit du XVIIIe siècle modèle la figure de la femme sur le masque de la comédie de Marivaux, si mobile, si nuancé, si délicat, et si joliment animé par toutes les coquetteries du cœur, de la grâce et du goût. La mode façonne le visage de la femme. La nature elle-même semble le former à l'image du temps et de la société. Le plaisir joue dans ses traits, la fièvre d'une vie mondaine brille dans son regard. Ses yeux deviennent, selon l'expression contemporaine, des yeux armés. Ils ont du trait, du feu. Ils prennent ce que la langue du XVIIIe siècle appelle au vif, du sémillant, un lumineux particulier, une poignance, dit un observateur anglais. C'est un visage toujours vivant, toujours éclairé, sans cesse traversé de ces lueurs d'un instant qui font comparer la figure de Madame de Rochefort à l'éveil d'un matin. Vivacité, mobilité, variété d'expression, on ne reconnaît plus que ces charmes de physionomie si délicatement décrits par Bachaumont dans le portrait de sa mère. Si elle n'était point tout à fait une belle personne, sa gentillesse l'avait approchée tout auprès. Un teint de brune claire, vif et net, les cheveux du plus beau noir, les plus beaux yeux du monde et qui d'ailleurs étaient tout ce qu'elle voulait et qu'il fût suivant les occasions. Un nez fin et noble au plus joli et dans lequel il se passait certains petits jeux imperceptibles qui animaient sa physionomie et indiquaient, ce semble, la finesse des mouvements qui se passaient au-dedans d'elle à mesure qu'elle parlait ou qu'elle écoutait. Il y a là, dans ce croquis, une parfaite indication de l'agrément rêvé, recherché et poursuivi par la femme du règne de Louis XV. La beauté n'est pas l'envie de cette femme qui gesticule au lieu d'agir, qui lorgne pour regarder, qui marche en voltigeant. Elle ne crée rien tant que la majesté. Des joies, des surprises, les changements d'impression dont parle le prince de ligne, les 100 000 choses qui se passent dans la région supérieure de son visage, doivent l'empêcher d'être une beauté et lui donner une figure au-dessus du joli. Tristesse et joie, accablement et folie, le visage doit montrer sur le moment toutes les humeurs, toutes les pensées, le flux et le reflux d'inconstance valant à la femme du temps l'appellation de femme agiboulée, qui grêle, qui éclaire, qui tonne, qui fait tous les temps. La grande victoire n'est plus de plaire ni de séduire. Il faut avant tout piquer par la mine. Par une légère irrégularité des lignes, par la fraîcheur, l'enjouement, l'étourderie, par tout ce qui sauve de l'admiration ou du respect. Des petits yeux à la chinoise, un nez retroussé et tout à fait tourné du côté de la friandise, un minois de fantaisie, un air chiffonné et même de la maigreur. En un mot, un visage de goût. Voilà le type qui règne et qui répand sur tous les visages. Je ne sais quelle mutinerie badine et coquine, quelle jeunesse effrontée, quelle malice pareille à une perfidie d'enfant. Voilà cette grâce qu'on dirait crayonnée par Gravelot en marge des bijoux indiscrets. Pour animer encore ce visage, pour lui donner une vie factice, on a le rouge, dont le choix est une si grosse affaire, car il ne s'agit pas seulement d'être peinte. Le grand point est d'avoir un rouge qui dise quelque chose. Il est encore nécessaire que le rouge annonce la personne qui le porte. Le rouge de la femme de qualité n'est pas le rouge de la femme de cour. Le rouge d'une bourgeoise n'est ni le rouge d'une femme de cour, ni le rouge d'une femme de qualité, ni le rouge d'une courtisane. Il n'est qu'un soupçon de rouge, une nuance imperceptible. À Versailles, au contraire, les princesses le portent très vif et très haut en couleur. Ils exigent que le rouge des femmes présentées soit le jour de la présentation plus accentué qu'à l'ordinaire. Malgré tout, le rouge éclatant de la régence empourprant les portraits de Nattier et dû sans doute au rouge de Portugal en tasse, va s'éteignant sous Louis XV et ne se montre plus qu'aux joues des actrices, où il forme cette tache brutale que Bocquet ne manque pas d'indiquer dans tous ses dessins de costumes d'opéra. Mais l'usage en est toujours universel, le débit énorme. C'est un objet d'une consommation si grande qu'une compagnie offre en juin 1780 5 millions comptant pour obtenir le privilège de vendre un rouge supérieur comme qualité à toutes les espèces de rouges connues jusqu'alors. Et l'année suivante, le chevalier d'Elbé, qui évaluait à plus de 2 millions de pots la vente annuelle, demandait qu'un pot de 25 sols fût levé sur chaque pot pour former des pensions en faveur des femmes et des veuves pauvres d'officiers. Il y eut dans le siècle des tentatives pour varier le rouge. Paris s'entretint pendant 8 jours tout au moins d'un fard lilas qui avait fait son apparition au jardin du Palais-Royal. Puis vint un nouveau rouge qui dura plus, qui conquit la vogue et la garda. Ce fut le serkis, un rouge qui avait la couleur des autres, mais l'inventeur le disait adouci et rendu sans danger par l'introduction de ce serkis dont le Coran fait la nourriture des houris célestes et qui, dans le sérail, rend à la peau des sultanes le velouté de la jeunesse. Et au serkis succédait le rouge, le fameux rouge de Madame Martin. Le rouge choisi, posé, gradué, la toilette du visage n'était qu'à moitié faite. Il restait à lui donner l'esprit, le piquant. Il restait à disposer, à arranger, à semer comme au hasard, avec une fantaisie provocante, tous ces petits morceaux de toile gommée appelés par les poètes des mouches dans du lait, les mouches. C'était le dernier mot de la toilette de chercher, de trouver la place à ces grains de beauté d'application, taillés en cœur, en lune, en comète, en croissant, en étoile, en navette. Et quelle attention à jeter joliment ces amorces d'amour sorties de chez le fameux du lac de la rue Saint-Honoré. La badine, la baiseuse, l'équivoque. À poser, selon les règles, l'assassine au coin de l'œil, la majestueuse sur le front, l'enjouée dans le pli que fait le rire, la galante au milieu de la joue et la coquette, appelée aussi précieuse et friponne, auprès des lèvres. La mode alla plus loin. À un moment, les femmes portèrent à la tempe droite des mouches de velours, de la grandeur d'un petit emplâtre. Et l'on vit même un jour, sur la tempe de la jolie Madame Caz, cette singulière mouche entourée de diamants. Vers la fin du siècle, la mode change absolument. Le charme de la femme n'est plus dans les grâces piquantes, mais dans les grâces touchantes. Emportée par le grand retour du règne de Louis XVI vers la sensibilité, la femme rêve un nouvel idéal de sa beauté, dont elle compose les traits d'après les livres et les tableaux, d'après les types des peintres et les héroïnes des romanciers. Et elle cherche à remplacer sur sa figure l'expression de l'esprit par l'expression du cœur, le sourire qui vient de la pensée par le sourire qui vient de l'âme. Elle vise à l'ingénuité, à la candeur, à l'air attendrissant. Elle demande des coquetteries qu'elle croit naïves à la jeune fille de la cruche cassée. Elle apaise et adoucit sa physionomie. Elle la fait tendre, languissante. Elle la voudrait presque mourante et rappelant l'agonie de Julie. Ce qu'elle travaille à se donner, c'est le regard noyé des figures de Greuze, le regard lent et traînant que Mirabeau adorait dans sa maîtresse. Son ambition n'était plus de séduire, mais de laisser une émotion. Sa coquetterie se voile de faiblesse et d'une sorte de pudeur défaillante qu'on pourrait appeler l'innocence de la volupté. La beauté brune, qui était parvenue après bien des efforts à se faire accepter, retombe alors dans un discrédit absolu. Les yeux bleus, les cheveux blonds sont seuls à plaire, et dans ce grand élan d'amour pour la couleur blonde, la mode va jusqu'à réhabiliter la couleur rousse, une couleur qui jusque-là déshonorait en France, et qui avait valu au dauphin, père de Louis XVI, tant de taquineries et de plaisanteries de sa sœur Madame Adélaïde sur sa femme, la princesse de Saxe qui l'attendait. Les rousses l'emportaient même un moment sur les blondes, et l'on voyait la vogue de cette poudre qui donnait une nuance ardente aux cheveux. C'est une entière révolution du goût. Il n'est plus dommage, plus de succès que pour le genre de beauté proscrit sous Louis XV, pour les figures à sentiment. Cette beauté, la femme la veut à tout prix. Elle se fait saigner, comme Madame d'Esparbès, pour y atteindre la pâleur et l'alanguissement. Elle la cherche dans ses coiffures avancées et légères, enveloppant son visage d'une demi-ombre, mettant autour de ses traits la douceur d'un nuage, sur son teint la transparence d'un reflet. Et elle ne cesse de la poursuivre dans cette mode nouvelle, une mode à la fois virginale et villageoise, qui la caresse tout entière de linon et de gaze, la part de simplicité, la voile de blancheur. La mode suit à peu près dans ce siècle les transformations de la physionomie de la femme. Elle se plie à ses changements, elle s'accommode à ses goûts, elle lui donne l'accomplissement des choses qui l'encadrent, des étoffes qui lui conviennent, des arrangements, de la couleur, du dessin, de toutes les imaginations et de toutes les coquetteries appropriées qui mettent autour du type de la femme une sorte de style dans le caractère de sa parure et de son habillement. Au sortir du règne de Louis XVI, la femme semble prendre ses habits et ses voiles. Le patron de sa toilette de bal et de triomphe, au vestiaire des immortels dans l'Olympe d'Ovide. L'allégorie tient les ciseaux qui taillent ses robes. Les couleurs que la femme porte sont les couleurs d'un élément, l'eau, l'air, la terre, le feu, qu'elle représente, dessine son costume, dénoue son corsage, lui pose au front l'étoile d'un diamant, lui noue à la ceinture une couronne de fleurs, lui jette au corps la chemise aérienne de Diane. Habits superbes et célestes qui donnent aux femmes un air de déité volante et les sortent d'une nuée, la gorge effrontée et nue, la main tendante à l'aigle de Jupiter une coupe de nacre et d'or. Ce n'est que gaz, or et brocart, ce n'est que soie modelée par le corps seul, obéissant au vent qui lutine ses plis libres. La beauté flotte dans le manteau léger, impudique et resplendissant de la fable. Elle sourit dans ses toilettes de nymphe assises près des sources, et dont la jupe de satin blanc, couleur d'eau, imite les méandres de l'onde. Négligée mythologique, carnaval païen de la régence s'habillant pour les fêtes antiques, pour les lupercales données par Madame de Tencin au régent. En descendant du nuage et de cette mode, la femme prend l'habillement usuel du XVIIIe siècle, la grande robe venue des tableaux de Watteau et reparaissant en 1725 dans les figures françaises de mode dessinées par Octavien, la grande robe partant du dos, presque de la nuque, où elle fronce comme un manteau d'abbé, du reste libre dans son ampleur, presque sans forme, flottant comme une large robe de chambre ou comme un domino étoffé que laisseraient échapper les bras nus d'engageantes de dentelle. Voyez les iris et les phyllis du peintre de Troyes. Elles sont toutes vêtues de ce costume du matin, qui se garnit de boutons et de boutonnières en diamant aussitôt que sont retirées les ordonnances sur les pierreries du 4 février et du 4 juillet 1720. Sur la tête, elles n'ont qu'un petit bonnet de dentelle aux barbes retroussées dans la coiffe, pliées en triangle, avançant en pointe sur une coiffure basse à petites boucles toutes frisées. Ou bien elles portent le coqueluchon, qui sera plus tard la Thérèse. Au cou, elles ont une collerette à grands plis tombants, ou bien un fichu qui joue sur la peau, ou encore un fil de perles. Puis, de la gorge jusqu'au bout des mules à fleurettes, relevant de la pointe et sans talons, la grande robe enveloppe et cache tout le corps de la femme dans les flots de l'étoffe. Au corsage seulement, elle laisse voir, en s'entr'ouvrant, les nœuds de ruban du corset disposés souvent en échelle, au-dessous du parfait contentement. La femme ne semble pas tenir à cette robe immense, si lâche, et qui va en s'évasant si largement autour d'elle. Et elle a trouvé le secret d'être voilée sans être habillée dans ce costume sans adhérence, débordant à droite et à gauche, roulant sur les lignes du corps ainsi qu'une onde, détachée de ses membres, et cependant suivant ses mouvements à peu près comme la mule avec laquelle joue le bout de son pied. Cette toilette, avec son incroyable déploiement de jupe, représente le panier dans l'ampleur, la grandeur, l'énormité de son développement. Le panier, que les princesses du sang vont bientôt porter si large qu'il leur faudra un tabouret vide à côté d'elles, le panier commence à grandir sur les modèles des paniers de deux dames anglaises venues en France en 1714. Et chaque année, il est devenu plus usité, plus exagéré, plus extravagant. Il s'est étoffé de façon à couvrir les grossesses de la régence. Il s'est répandu par toute la France comme un masque de débauche pendant ses jours de folie. Une caricature de 1719 nous montre une foire de boutiques et d'étalages de paniers que marchandes et se disputent, des bourgeoises trompant leurs maris pour en acheter, des cuisinières ferrant la mule pour en avoir un, des montreuses de marmottes et même des vieilles dont le patrainant cède d'une béquille, car c'est une fureur dont l'âge ne préserve pas et qui atteint dans ce siècle jusqu'au centenaire. Le journal de Verdun du mois d'octobre 1737 n'annonce-t-il pas que Louise de Bussy, âgée de 111 ans, est morte d'une chute faite en voulant essayer un panier? Après la caricature viennent les satires, les chansons, les canards, la poule d'Inde en Falbala et l'ami Margot, qui compare l'élégante avec sa tête très tignonnée, son corps fluet, sa carrure, à un oranger en caisse, et ce refrain court les rues. Là, là, chantons la prétintaille en Falbala, elle tape leurs cheveux, l'échelle à l'estomac, dans le pied une petite mule qui ne tient pas, habille plus d'étoffe qu'à six carrosses prétintailles. Après les chansons arrive la comédie, et dans les paniers de la vieille précieuse en 1724, l'on entend Arlequin costumé en marchande de vertu gadin et de panier crier. J'ai des bannes, des cerceaux, des paniers, des volants, des criardes, des matelas piqués, des sacrissins. J'en ai de solides qui ne peuvent se lever pour les prudes, de pliants pour les galantes, de mixtes pour les personnes du tiers-état. J'en ai, grâce à Dieu, de toutes les espèces, à l'anglaise, à la française, à l'espagnole, à l'italienne. J'en fais en cerceaux de porteur d'eau pour les tailles rondelettes, en bannes pour les minces, en lanternes pour les Vénus. Mais la mode était sourde à toutes ces railleries. Elle résistait même aux condamnations de l'Église, mettant dans la bouche de ses prédicateurs et de ses docteurs des anathèmes à la Menot, appelant les porteuses de paniers guenuches et huissiers de diable. Et les curés de paroisse savaient beau, du haut de la chaire, représenter aux femmes non seulement tout le scandale, mais encore tout le ridicule de leurs costumes, les comparer à des porteuses d'eau ayant deux seaux sur leurs jupes, ou à des tambourineuses cachant un tambour de chaque côté d'elles. Les femmes continuaient à fréquenter les églises, à revenir au sermon en tenant leur panier à deux mains et en laissant voir un cercle de bois sur leurs jupes arrogantes et fastueuses. Convaincues que cet arrangement donnait à leur taille l'élégance et la majesté, à toute leur personne un air de rondeur opulente, elles couraient à toutes les inventions de panier que mettait au jour l'imagination des faiseurs et des faiseuses. Et que de formes, que de façons de panier! Il y en avait en gondole. C'était ceux-là qui faisaient ressembler les femmes à des porteuses d'eau. D'autres, n'étant pas plus larges en bas qu'en haut, donnaient l'apparence d'un tonneau. Il y en avait qu'on appelait cadets, parce qu'ils n'avaient pas la grandeur légitime. Ils descendaient de deux doigts seulement au-dessous du genou. Les paniers à bourrelet avaient au contraire au bas un gros bourrelet qui évasait la jupe. Aux paniers à guéridon, on préférait d'ordinaire les paniers à coudes, paniers plus larges par le haut, formant mieux l'ovale, et sur lesquels les coudes pouvaient se reposer. Ces paniers avec cinq rangs de cercle, dont le premier s'appelait le traquenard, c'est-à-dire trois rangs de moins que les paniers à l'anglaise. Pour les criardes, ainsi nommées du bruit de leur toile gommée, elles n'étaient portées que par les actrices sur le théâtre et les dames du plus grand air. D'ailleurs, elles disparaissaient bientôt dans la mode définitive du panier appelé proprement panier à cause de sa ressemblance avec l'espèce de cage où l'on met la volaille. Au milieu du siècle, le panier était fait d'une jupe de toile sur laquelle on appliquait des cercles de baleines. Cependant, la caricature continue sa guerre à coups de crayon contre les troussures équivoques. En 1735, elle dessine la distribution des paniers à la mode par Mamie Margot aux environs de la ville de Paris, où se voient des paniers de trois zones. Mais la pauvre gravure n'a pas grand succès. Elle tire si peu qu'avec quelques changements et la rajoute d'une couronne sur la tête de Mamie Margot, elle reparaît en 1736 comme une figuration allégorique de la réunion de la Lorraine à la France. Le temps devait mieux que la caricature ruiner la mode des paniers. En 1750, on ne voit plus guère que des jansénistes. C'est ainsi qu'on appelait les demi-paniers. Une dizaine d'années après, un faiseur honoré de la clientèle de la plupart des grandes dames de la cour, l'homme qui avait inventé des robes ornées de fleurs artificielles dont chacune avait l'odeur d'une fleur naturelle, le sieur Pamard portait le dernier coup au panier par la création des considérations soutenant gracieusement la robe, sans le secours d'un certain nombre de jupons ou d'un panier, et les considérations faisaient disparaître les jansénistes uniquement réservés aux cérémonies de la cour. Les jansénistes. La mode du temps a l'habitude de ces appellations singulières, et comme au cœur des passions d'un temps, événements et scandales, toutes les grandes et petites choses qui firent battre le cœur ou sourire l'ironie de la France, ont comme une trace de leur bruit, comme une lueur d'immortalité dans ces riens légers et volants, un ruban, un bonnet, une coiffure, baptisés avec un nom fameux ou ridicule, avec une victoire ou un désastre, avec une joie publique ou une vengeance nationale, avec un mot, un sentiment, une idée, un engouement, l'occupation ou le jouet de l'imagination d'un peuple. Les couleurs de l'histoire portées par la folie, voilà la mode, voilà cette mode par excellence, la mode du XVIIIe siècle. Dès le commencement du siècle, la mode touche à l'intérêt du moment. À la suite du procès du père Girard, paraissent les rubans à la Cadière, dont il existe trois échantillons dans les portefeuilles de la bibliothèque impériale. Dans l'un, on voit la Cadière donnant un petit coup sur la joue du révérend. Un autre montre la Cadière et le père Girard en buste, séparés par une pensée, et des éventails succèdent au ruban. De l'incendie qui avait brûlé 32 rues à Rennes en 1721, il était sorti des bijoux et des parures de femmes, faits des pierres calcinées et des vitrifications du feu. Quand vient là, c'est son système, on invente les galants du système. Un terme, le terme d'allure, court-il tout à coup de bouche en bouche en 1730 ? Vite, ce sont des éventails et des rubans à l'allure, si goûtés qu'on les porte même pendant le deuil pris à la cour pour la mort du roi de Sardaigne. Le passage du Rhin, effectué par le maréchal de Berwick et les troupes du roi, le 4 mai 1734, est célébré par les taffetas du passage du Rhin, ondés comme l'eau d'un fleuve et par les rubans du passage du Rhin, qui font voir, dessinés grossièrement et comme tatoués sur la soie, un mousquetaire blanc ou bleu de ciel entre une tente blanche et une tente couleur rubis ou émeraude. Sur le goût de la reine Marie Lesinska, pour le jeu du quadri, il naît des rubans nommés quadri de la reine. En 1742, l'apparition d'une comète amène toute une mode à la comète. Quelques années après, la venue d'un rhinocéros en France met tout le monde au rhinocéros. Et que de modes disparus, emportés par le caprice qui les avait apportés, absorbés par une de ces grandes modes générales, une de ces modes à la Pompadour, qui embrasse toutes les fanfioles de la toilette et dont on peut voir l'étendue et l'universalité dans la brochure publiée à La Haye sous ce titre « La vie à la Pompadour » ou « La quintessence de la mode », revue par un véritable Hollandais. Fontenoy fait naître des cocardes, Lohfeld des chapeaux. On voit des bonnets à la Crevelt, des rubans à la Zohendorf et des éventails à la Hohkirchen. Les querelles du Parlement font naître le Parlement, espèce de fichu en taffetas avec capuce. Vers 1750, l'abandon par l'architecture du style rocaille pour le style grec, la construction du garde-meuble amène cette première furie du goût antique qui met à la grecque les toilettes et les coiffures de la femme. En grande mode, querelle Carmontel avec ses projets d'habillement d'hommes et de femmes, uniquement composés d'ornements de cinq ordres grecs employés dans la décoration des édifices. En 1768, la débâcle de la Seine fait paraître chez les modistes les bonnets à la débâcle. Linguet est-il rayé du tableau des avocats ? On ne vend plus que des étoffes, des rubans rayés. Que dans un mémoire Beaumarchais immortalise la silhouette de Marin, la mode invente aussitôt la quesaco que Madame du Barry est presque la première à porter. Qu'à l'avènement de Louis XVI, l'espérance du peuple salue la résurrection d'Henri IV, les tailleurs et les couturières cherchent à remettre en honneur le costume à la Henri IV. En mai 1775, les troubles venus à la suite de la cherté et de la disette du blé font imaginer les bonnets à la révolte. En novembre 1781, la naissance du dauphin met en vogue les nuances caca-dauphin et change en dauphin les jeannettes que toutes les femmes portaient au cou. Le ministère de Turgot répand, dans le monde des femmes qui prennent du tabac, les tabatières à la Turgot, qu'on appelle platitude. Le ministère balloté de Monteynard inspire l'idée des écrans à la Monteynard, établis sur une base mobile mais plombée, et se relevant d'eux-mêmes. Plus tard, un bonnet sans fond est un bonnet à la caisse d'escompte, un bonnet envolé est un bonnet à la montgolfière. Bientôt, sur l'éventail porté par les dévotes elles-mêmes, Figaro va paraître à côté de la chanson des ballons, et ce siècle, qui commence par les rubans à la Cadière, finira par les rubans à la Cagliostro où l'on verra des pyramides sur fond rose. Nous avons laissé la mode à 2-3. Reprenons-la à Lancret. Nous la retrouvons dans les deux belles pièces gravées d'après lui par Dupuis, le glorieux et le philosophe marié. La coiffure est toujours une coiffure basse, sur laquelle est jetée avec quelques fleurs un petit bonnet de dentelle s'envolant de chaque côté et pointant sur le front. La femme porte au cou trois rangs de perles, d'où pend une grosse perle, et d'où descend en rivière le collier glissant entre deux seins et faisant sur le corsage deux ou trois nœuds lâches. Le corsage s'ouvre sur un corps garni d'une échelle de ruban. Au côté gauche, la femme porte un de ses énormes bouquets, un de ses fagots de fleurs qui monte au-dessus de l'épaule. Des manchettes d'Angleterre à trois rangs avancent sur ses bras, sur ses gants, qui vont jusqu'au coude. Sa robe fermée, tombant à plis larges, solides et superbes, est chargée, ornementée, agrémentée de dessins en chenilles et en plumetis relevés de gros nœuds. Parfois, elle est faite d'une de ces étoffes que montrent à Versailles les portraits de Marie Lesinska, d'un de ces brocarts de pourpre d'or, qui mettent au corsage de la femme les rayons d'une cuirasse et sèment sur sa jupe les pivoines et les coquilles épanouies, les soleils en feu, les grappes de raisin, comme une orfèvrerie de fleurs, de fruits, de feuilles, de branchages, de torsades et de ramages, versés sur un tapis de soie. Souvent aussi, sa robe est de ce joli satin gris de lin et or, Donatiem a habillé ses modèles et l'auteur d'Angola ses héroïnes. Ou bien, ce sera un brocart bleu rayé argent, avec un corset de même couleur, un jupon de satin blanc à dentelle et franges d'argent, une jupe pareille à la robe avec dentelle d'Espagne et campagne d'argent. Et la jupe, en se relevant, laissera voir un bas de soie noir avec un fil d'argent sur les côtés et le derrière, un soulier de maroquin noir avec une tresse d'argent et une boucle de diamant. Une coquetterie fastueuse, un étalage de richesse, une majesté de magnificence, un ensemble de raideur, de grandeur et de splendeur, tels sont les caractères de cette toilette parée de la femme, le grand habit de la Française du XVIIIe siècle, qui malgré toutes les innovations de détail et d'ornementation, conserve un aspect et des lignes consacrées, se règle sur un patron d'étiquette et garde jusqu'au dernier jour de la monarchie une forme traditionnelle presque hiératique. Un recueil de mode va nous en donner le dessin, l'exemple et le type. Dans l'habillement appelé proprement le grand habit à la française, la robe décolletée et busquée, plissée par derrière, sans aucun pli par devant, faisait paraître le corps isolé et comme au centre d'une vaste draperie représentée par la jupe. La robe, qui n'était plus la robe fermée et d'une seule pièce, s'ouvrait en triangle sur une sorte de robe de dessous, en évasant de chaque côté du triangle une large bande appelée parement, toute bouillonnée, coupée par des barrières, enjolivée de glands et de bouquets de fleurs. Le falbala, c'est-à-dire le triangle formé par la robe de dessous laissée à jour, était coupé par des barrières en croissant. Un bouquet, tenu en arrêt par un gland flottant, faisait son milieu. Les manches courtes de la robe avaient des manchettes à trois rangs. Du dos, une collerette ou médicis de blonde noire s'élevait et en enveloppait la nuque. L'arrangement de la tête répondait à cette toilette imposante, théâtrale et royale tout à la fois. La femme était coiffée à la physionomie élevée, avec quatre boucles détachées et le confident abattu devant l'oreille gauche. Elle avait des perles aux oreilles et un rang de perles mis en bandeau se balançait sur ses cheveux. Que d'inventions pourtant dans ce cadre invariable, que de fantaisie, que de recherche, de goût, quel génie de luxe, variant sans cesse ses toilettes réglées et fixées, ajoutant encore à son faste. C'étaient des robes de satin blanc broché, cannelées et rayées, couvertes de rosettes lamées au réchenis. Des robes lamées d'argent et semées de fleurs, ornées de bouquets de plumes lilas et argent. Des robes aux guirlandes de roses brodées en nœuds de paillons roses, et pailletées d'or et d'argent. Des robes au fond d'argent rayé de grosses lames d'or, rebrodées et frisées d'or, avec des guirlandes d'œillets et des paillettes d'or nuées. Des robes de satin mosaïque, pailletées d'argent, rayées et guillochées d'or avec des guirlandes de myrte. C'étaient des robes où la mode un moment mettait en garniture la dépouille de 4000 jets. Des robes où Davos faisait courir des broderies resplendissantes, où Pagel, le modiste des très galants, jetait les blondes d'argent, les barrières de chicorée relevées et repincées avec du jasmin, les petits bouquets attachés avec des petits nœuds dans le creux des festons, et les bracelets et les pompons et tous les prodigieux enjolivements qui faisaient monter une robe au prix de 10 500 livres, qui en faisait payer une à Madame de Matignon 600 livres de rente viagère à sa couturière, moins chère peut-être que la duchesse de Choiseul ne payait celle qu'elle se faisait faire pour le mariage de Lauzun, une robe de satin bleu garnie en martre, couverte d'or, couverte de diamants, et dont chaque diamant brillait sur une étoile d'argent entourée d'une paillette d'or. Cependant, cette mode de parade, de magnificence, d'éclat, imposée par l'étiquette aux femmes de la cour, ne se soutient que par la tradition. Elle lutte, depuis le commencement jusqu'à la fin du siècle, contre une mode contraire qui, chaque jour, gagne du terrain. L'imagination de parure, le véritable goût de la femme est tourné, pendant tout ce temps, qui recherche les habillements de toile peinte, vers la coquetterie du déshabillé, vers le charme du négligé. Son ambition, son rêve, son effort est de paraître avant tout une femme à son lever. Il lui semble qu'à cela elle aura plus de profit, et elle se décide à revenir aux grâces naturelles par mille petites raisons d'une finesse si ténue et d'une rouerie si savante que Marivaux seule a pu les pénétrer et les démêler. Avec le négligé, elle sera moins belle, mais plus dangereuse. Elle sera, selon l'expression du temps, moins précieuse mais plus touchante. Elle plaira sans secours étranger par elle-même, ou du moins par ce qui la déguise le moins. Elle pourra dire « Me voilà telle que la nature m'a faite ». ce qu'elle laissera voir comme par négligence, par mégarde, aura le charme irritant d'une copie modeste et voilée de l'original. Et le voile qu'elle gardera sera si léger, si transparent, qu'il ne sera presque pas un obstacle pour l'imagination de l'homme. Que l'on suive en dehors de ces formes de représentation et de convention le costume féminin dans le XVIIIe siècle, ce costume tend au négligé dès les premières années du règne de Louis XV. La femme cherche la liberté, l'aisance, le piquant et le provoquant du déshabillé, qu'elle n'ose encore afficher, dans la mode intime de l'intérieur et de la chambre. Vous la trouvez chez elle dans un manteau de mousseline collant sur un corset décolleté, dans un jupon court dont les falbalas découvrent le bas de la jambe. Un désespoir couleur de rose, noué coquettement sous son menton, remonte en fanchon sur son charmant battant l'œil. Ou bien, coiffée d'un bonnet rond du plus beau point du monde, montée avec des rubans couleur de rose, elle laisse voir, sous un manteau de lit de la plus fine étoffe, un corset garni sur le devant et sur toutes les coutures d'une dentelle frisée, mêlée d'espace en espace de touffe de soucis d'hanneton, aux couleurs des rubans de son bonnet, aux couleurs des nœuds de ses manchettes, couleur de rose comme toute sa toilette, comme les garnitures de son lit, de son couvre-pied, de ses oreillers. Car la fontange, cette mode qui commence par une jarretière nouée autour d'un bonnet, est aujourd'hui la mode de toutes choses. De la tête où l'on remplaçait les fleurs et les diamants, elle est descendue et s'est répandue sur tout le corps dans toute la toilette de la femme. Elle enrubane d'un bout à l'autre les habillements parés ou négligés. Elle est de toute la toilette, cet ornement obligé de cet achèvement suprême que le XVIIIe siècle appelait « petite oie ». Peu à peu, la femme s'enhardit au négligé. Elle commence les renouvellements de son costume, avant le règne de Louis XVI, par les robes à la Tronchin, par ses robes à la hollandaise apportées en France, selon la chronique, par la belle Madame Pater. Elle fait fête à tout ce qui découvre sa taille, à tout ce qui lui ôte l'air d'une mouche à miel ambulante. Et de là, bientôt, la vogue universelle des polonaises, des circassiennes, des caracos, des lévites et des chemises adoptées par les femmes de toutes les conditions, appropriées à chaque rang et dont le perpétuel changement vide la bourse de tous les maris. Les caracos, pris aux bourgeoises de Nantes lors du passage du duc d'Aiguillon en 1768, arrivent les premiers. Portés d'abord très longs, puis coupé à l'ouverture des poches du jupon, le caraco, plissé dans le dos comme la robe à la française, n'est au fond que le haut de cette robe. C'est un costume de promenade que les femmes portent en tenant d'une main une haute canne d'ébène à pomme d'ivoire, en serrant de l'autre sous leurs bras un petit chien au toupet relevé par une bouffette de faveur rose. Au caraco succède la polonaise galante et leste, portée comme petite toilette du matin ou de campagne. La polonaise était une sorte de robe de dessus, agrafée sous le parfait contentement, retroussée par derrière, tantôt la queue épanouie, tantôt la croupe arrondie avec les ailes très étendues. Généralement, on la faisait en taffetas des Indes à petits traits, garnie de gaze unie, d'un volant de gaze bouillonné et de sabots de gaze bouillonnés aux manches. Ajoutée à cette toilette un chapeau en tambour de basque, le collier de gaze à garniture frisée, le nœud sur le devant. Voilà la toilette complète. Il y avait encore la polonaise d'hiver, polonaise à poche à coqueluchon décorée d'un grand volant et de sabots à petits bonshommes, un petit manchon, un chapeau à la biscayenne à trois plumes d'autruche, le cordon de montre sur le ventre, garni de bouffettes de cheveux et d'or avec des apanages en breloque, accompagnait celle-ci. Puis venait la polonaise à sein ouvert, indiscrète et voluptueuse, laissant entrevoir la gorge à demi voilée par un fichu de gaze replié. À ces polonaises, il faut ajouter les demi-polonaises, ou polonaises à la liberté, que l'on copiait sur les bas de la robe inventée depuis longtemps par les dames de la cour, obligées par étiquette de paraître en public le matin. La demi-polonaise était simplement une jupe sur laquelle on attachait une queue de polonaise retroussée à l'ordinaire, et qui donnait à une femme l'air d'être habillée lorsqu'elle ne l'était pas. La circassienne, taillée sur la sobre veste à longues manches de la circassie, s'écartait peu du dessin de la polonaise. On la faisait le plus généralement d'une robe de gaze à trois bandes de bourdeaux, relevée par des bouquets de fleurs, ouvrant sur une jupe qui voilait une jupe de dessous de couleurs différentes. La couleur de cette jupe de dessous était rappelée par la pointe de la sobre veste. On ne jetait rien, ni mantelet, ni fichu, ni bouffante, sur cette toilette aérienne, faite pour les grandes chaleurs de l'été et livrant au regard le sein nu. Quelques élégantes y ajoutaient seulement un collier en or et cheveux tombant avec deux glands dans les brandebourgs. Pour la coiffure de ce costume, c'était un chapeau à la coquille ou au char de Vénus. Après les circassiennes, les couturières retrouvaient la robe de la tribu consacrée à la garde de l'arche, la robe dont les plis balayaient le pavé du temple de Jérusalem, la lévite, simple fourreau qui enveloppait le corps en en dessinant les formes. La vicomtesse de Jaucourt essayait de la relever par une queue bizarrement tortillée, mais son invention faisait un tel attroupement au jardin du Luxembourg que les Suisses de monsieur la priaient de sortir et la lévite à queue de singe ne durait qu'un jour. Enfin paraissaient les chemises, cette mode qui semble être le premier essai et le commencement d'audace des modes du directoire, les chemises à la Jésus, les chemises à la Floricourt, les chemises doublées en rose avec lesquelles les femmes jouaient la nudité. Le goût de la France plane et vole alors sur l'étranger, sur toute l'Europe. Toute l'Europe est à la française. Toute l'Europe est asservie et soumise à nos modes, tributaires de notre art, de notre commerce, de notre industrie. Séduction, domination, sans exemple du génie français que la galerie des modes attribue non aux caprices, mais à l'esprit inventif des dames françaises pour tout ce qui concerne la parure et surtout à ce goût fin et délicat qui caractérise les moindres bagatelles échappées de leurs mains. Toute l'Europe a les yeux tournés vers la fameuse poupée de la rue Saint-Honoré, poupée de la dernière mode, du dernier ajustement, de la dernière invention, image changeante de la coquetterie du jour figurée de grandeur naturelle, sans cesse habillée, déshabillée, rhabillée au gré d'un caprice nouveau, née dans un souper de petite maîtresse, dans la loge d'une danseuse d'opéra ou d'une actrice du rempart, dans l'atelier d'une bonne faiseuse. Répétée, multipliée, cette poupée modèle passait les mers et les monts. Elle était expédiée en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne. De la rue Saint-Honoré, elle s'élançait sur le monde et pénétrait jusqu'au sérail. Et lorsque les journaux de mode se fondent, ces journaux spéculent bien plus sur cette clientèle de l'Europe que sur le public français. Leur ambition, leur espérance, est de remplacer la poupée de la rue Saint-Honoré. Et leur préface annonce que grâce à eux, les étrangers ne seront plus obligés à faire des poupées, des mannequins toujours imparfaits et très chers qui ne donnent tout au plus qu'une nuance de nos modes. Dans ce triomphe universel, tyrannique, absolu du goût français, quelle fortune des marchands, des marchandes et des grandes faiseuses. Quel gouvernement que celui d'Humbertin, appelé par le temps le ministre des modes. Et quelle vanité, quelles insolences d'artistes. Les anecdotes et les souvenirs du siècle nous ont gardé sa réponse à une dame, mécontente de ce qu'on lui montrait. Présentez donc à madame des échantillons de mon dernier travail avec sa majesté. Et son mot superbe à monsieur de Toulonjon, se plaignant de la cherté de ses prix. Ne paye-t-on pas à Vernet que sa toile et ses couleurs? C'est le temps des grandes fortunes de la mode, le temps où l'on parle de la société de la marchande de rouge de la reine, du cercle de madame Martin au temple. Nous entrons dans le règne des artistes en tout genre, des modistes de génie, aussi bien que des cordonniers sublimes, uniques pour monter un pied et le faire valoir, lui donner la petitesse, la grâce, la tournure, la lesteté si vantée, si goûtée, si souvent chantée par le XVIIIe siècle, le je ne sais quoi enfin de ce pied de madame Lévesque, la marchande de soie à la ville de Lyon, qui inspire à Rétif de la Bretonne le pied de Fanchette. Du pied de la femme, l'adoration du temps va aux hommes qui la chaussent avec ses charmants souliers de toutes couleurs, à bouffettes, à languettes, à boucles, à broderies, avec ses souliers de droguet blanc aux fleurs d'or, ou ses souliers aux venets ivoires garnis d'émeraudes. Et voulez-vous l'air, le train, le ton de ces ouvriers gâtés par la mode, et qui n'ont plus d'autre modestie que l'impertinence d'un petit maître? Allant commander chez l'un d'eux une paire de souliers pour une dame qui était à la campagne, le chevalier de la luzerne est introduit dans un cabinet charmant. Il y admire une commode du travail le plus riche, garnie dans ses compartiments de portraits des premières dames de la cour. C'est la princesse de Guéméné, c'est madame de Clermont. Tandis qu'il s'extasie, « Monsieur, vous êtes bien bon de faire attention à ces choses-là, » dit en entrant, dans le négligé le plus galant, l'artiste, le grand charpentier. Et comme monsieur de la luzerne s'exclame, « Ah, quel goût, quelle élégance! « Monsieur, vous voyez, reprend Charpentier, c'est la retraite d'un homme qui aime à jouir. Je vis ici en philosophe. Ma foi, monsieur, il est vrai que quelques-unes de ces dames ont des bontés pour moi. Elles me donnent leur portrait. Vous voyez que je suis reconnaissant, et que je ne les ai pas mal placées. » Puis, sur le modèle de souliers que lui présente le chevalier, « Ah, je sais ce que c'est. Je connais ce joli pied. On ferait 20 lieues pour le voir. Savez-vous bien qu'après la petite Guéménée, votre ami a le plus joli pied du monde, et comme le chevalier va se retirer, sans façon, si vous n'êtes pas engagé, restez à manger la soupe. J'ai ma femme qui est jolie, j'attends quelques autres femmes de notre société fort aimable. Nous jouons Oedipe après dîner. » Et cette impertinence suprême, Charpentier n'est pas seul à la voir. Il la partage avec ses rivaux, avec Bourbon, le cordonnier de la rue des Vieux Augustins, qui fournit la cour et chausse le joli pied de Madame de Marigny. En habit noir, en veste de soie, en perruque bien poudrée, il faut entendre celui-ci dire à une grande dame « Vous avez un pied fondant, madame la marquise. » Et de quel air il prend le soulier fait par son devancier et lance le mot de mépris « Mais où avez-vous été chaussé ?» Qu'est pourtant cet orgueil, cette fortune du cordonnier du XVIIIe siècle auprès de l'orgueil et de la fortune du coiffeur? C'est une vanité, une importance non seulement d'artiste, mais d'inventeur, qui semble dépasser les prétentions de l'artiste en chaussures de toute la hauteur qu'il a du pied à la tête de la femme, le coiffeur. Il se juge, il s'appelle un créateur, dans ce temps où, de toutes les modes, la mode des cheveux est celle qui vieillit le plus vite, si vite que Léonard avait pris l'habitude de dire « autrefois » pour hier. En 1714, à un souper du roi à Versailles, les deux dames anglaises, dont on allait copier les paniers, attiraient les regards du roi avec leur coiffure basse, qui avait fait scandale et manquait de les faire envoyer. Il tombait de la bouche du roi que si les Françaises étaient raisonnables, elles ne se coifferaient pas autrement. Le mot était recueilli, et la nuit se passait à retrancher aux coiffures 3 étages de cornettes. On ne leur en laissait qu'un qu'on abaissait encore, de façon que le lendemain, les femmes de la cour assistaient à la messe du roi avec des coiffures à la mode anglaise, sans souci du rire des dames à haute coiffure qui n'étaient pas dans le secret de la veille. Un compliment adressé par le roi, au sortir de la messe, aux dames qui avaient fait rire, achevait la métamorphose de la cour. Toutes les hautes coiffures disparaissaient. Les femmes étaient amenées par cette mode des coiffures basses à se faire couper les cheveux à 3 doigts de la tête. Elles rejetaient leurs cornettes, l'attachant seulement avec des épingles au haut de la tête, très en arrière, et se faisaient friser en grosses boucles à l'imitation des hommes. Elles appelaient à les coiffer des perruquiers d'hommes. Madame de Genlis se trompe lorsqu'elle parle de l'arseneur comme du premier coiffeur qui coiffa des femmes, se résignant à laisser la main d'un homme toucher à leurs cheveux le jour de leur présentation. L'arseneur eut un précurseur célèbre appelé d'un nom prédestiné Frison, mis au jour par Madame de Cursay, mis en vogue par Madame de Prie. Frison, le perruquier à la mode, l'habile homme qui avait seul la confiance des femmes de la cour, le coiffeur par excellence auquel s'adressait la Dodin, la femme du contrôleur général, enflée de son marquisat tout frais, le marquisat d'Herbeau, et se moquant de la chanson. La Dodin dit à Frison « Coiffez-moi avec adresse, je prétends avoir raison, inspiré de la tendresse. Tignonnez, tignonnez, bichonnez-moi, je vaux bien une duchesse. Tignonnez, tignonnez, bichonnez-moi, je vais souper chez le roi. » Et ce Frison, qui ne fit pas d'élève, fit tant de jaloux qu'Ambiguigne, le barbier du roi, se déguisait en laquais de Madame de Resson pour surprendre son secret et le voir à l'œuvre. Mais Frison le reconnut et le mystifia en coiffant la dame le plus mal qu'il put. À Frison succède d'Ager, lancé par Madame de Châteauroux, protégée par la dauphine, belle-fille de Louis XV, d'Ager à qui Madame de Pompadour fut obligée de faire des avances pour obtenir d'être coiffée par lui. Ce fut lui qui répondit à la favorite lui demandant la raison de sa réputation. « Je coiffais l'autre », un mot qui fit fortune dans l'entourage de la dauphine. Ce grand succès, cette gloire des premiers coiffeurs de dames, furent, il faut le dire, achetés à peu de frais, et l'on exigea des coiffeurs de la fin du XVIIIe siècle de bien autres talents que les talents de Frison, tournant sans cesse dans le même cercle de simplicité, ne s'exerçant que sur des coiffures sans apprêt, et se pliant presque servilement à la nature. En effet, pendant tout le commencement du XVIIIe siècle, l'arrangement de la tête est presque stationnaire. Il consiste presque uniquement dans une coiffure basse aux boucles frisées, sur laquelle on jette une plume, un diamant, un petit bonnet à plumes pendantes. L'abandon des boucles frisées et une élévation presque insensible de la coiffure qui reste plate, c'est tout le changement qui amène le temps, jusqu'à la venue du révélateur qui commence la grande révolution des modes de la tête. Le gros paraît. De la cuisine, des fourneaux, du comte de Bellemare, il s'élève à cette académie où il tient trois classes, où il montre, pour valet de chambre, femme de chambre, coiffeuse, cet art de coiffer à fond, auquel on se faisait la main sur la tête de jeunes filles du peuple qu'on payait 20 sols. Dès 1763, il s'annonce, il affiche ses principes avec 30 poupées toutes coiffées exposées à la foire Saint-Ovide. En 1765, 100 poupées exposées chez lui montrent, comme le corps de doctrine de ce nouvel art, basé sur la proportion de la tête et l'air du visage. La même année, il publie son art de la coiffure des dames françaises, où il se vante de l'invention de 42 coiffures applaudies par la cour et la ville, et où il démontre par 28 estampes tous les heureux contrastes que peuvent faire avec un tapé dans la coiffure encore basse et aplatie, les boucles biaisées, les boucles en marron, les boucles frisées, les boucles en béquille, les boucles frisées imitant le point de Hongrie, les boucles renversées, les boucles en coquille, les boucles en rosette, les boucles en colimaçon, coiffures maigres et compliquées qui semblent faire descendre une dragonne et ses deux boucles déroulées sur une épaule d'une tête d'impératrice romaine à petite frisure. Mais c'est un essor qui commence, c'est le premier vol de la mode nouvelle, c'est le point de départ des inventions et des théories qui vont approprier la parure à ce nouveau caractère de la grâce, la physionomie de chaque femme. Une philosophie de la toilette va donner à la coquetterie des conseils et des lois d'esthétique. Le siècle est en train de découvrir que la toilette d'une belle femme doit être entièrement épique, épique comme la muse de Virgile, débarrassée de toute espèce de chiffon, de tout pomponnage, de tout ce qui ressemble au concetti moderne, absolument contraire, en un mot, à la toilette de la jolie femme. Que le charme d'une femme vienne d'un certain air, d'un rien répandu dans toute sa personne, de ce qu'on est convenu d'appeler le je ne sais quoi, elle est indigne de plaire si elle ne cherche toutes les fantaisies susceptibles d'agrément, si elle ne montre dans son ajustement tantôt le goût du sonnet, tantôt le goût du madrigal ou du rondeau, et le piquant même de l'épigramme, toutes les grâces du petit genre faites pour sa mine chiffonnée et ses yeux sémillants. En 1763, la même année où Legros exposait ses poupées à la foire Saint-Ovide, paraissait l'encyclopédie Carcassière, ou tableau des coiffures à la mode gravé sous les dessins des petites maîtresses de Paris. Un petit livre, devenu aujourd'hui une rareté. Était-ce une ironie que ce livre baroque, qui avait pour sous-titre « Introduction à la connaissance intime des allonges, pompons, papillotes, blondes, marly, carmin, blanc de céruse, mouche, grimace pour pleurer, grimace pour rire, billets doux, billets amers et toute l'artillerie de Cupidon. » L'encyclopédie Carcassière était ornée de 44 coiffures dont les plus curieuses étaient à la cabriolet, à la maupéou, à la baroque, à l'accouché, à la petite cour, à la pompadour, à la chausse-trappe, à la jamais vue. Ainsi renouvelé dans son principe, l'art de la coiffure devient le champ des imaginations et des émulations. On voit se lever la célébrité d'un autre coiffeur de dames, Frédéric, qui fait une terrible concurrence à l'ex-cuisinier, dont les dames du grand air n'ont jamais voulu reconnaître le goût. D'ailleurs, elles lui gardent rancune d'avoir révélé qu'elles perdaient une grande partie de leurs cheveux par leur paresse à peigner leurs chiffons nattés, gardés par elles souvent 8 ou 15 jours sans un coup de peigne. Les coiffures de Legros sont bientôt abandonnées aux filles, aux courtisanes, et Legros lui-même disparaît au milieu de tous les coiffeurs en veste rouge, en culotte noire, en bas de soie gris qui percent, remplissent Paris, coiffent à Versailles. La vogue en est si grande, le nombre en croît tellement, que le corps des perruquiers en possession du privilège de coiffer les dames fait mettre à l'amende et emprisonner plusieurs coiffeurs. Aussitôt paraît un mémoire des coiffeurs des dames de Paris contre la communauté des maîtres barbiers, perruquiers, baigneurs, étuvistes. Mémoire assimilant l'art libéral du coiffeur de dames à l'art du poète, du peintre, du statuaire, énumérant tout ce qu'il lui faut de talent, de science du clair-obscur, de connaissance des nuances, pour concilier la couleur de l'accommodage avec le ton de chair, pour distribuer les ombres, pour donner plus de vie au teint, plus d'expression aux grâces. Ce mémoire où les coiffeurs se réclamaient d'un astre. La chevelure de Bérénice était appuyée par un poème, L'art du coiffeur des dames contre le mécanisme des perruquiers à la toilette de Cythère, 1765, qui demandait qu'on laisse accroupir les perruquiers, ces mécaniques ouvriers, dans la crasse, entre le savon et la tignasse. Suivait bientôt un second mémoire où les coiffeurs des dames de Paris, se portant au nombre de 1200, et se donnant le titre de premiers officiers de la toilette d'une femme, arguaient contre les perruquiers de la fréquence de changement des garçons perruquiers, passant à chaque instant d'une boutique à une autre, et ne présentant par là nulle garantie suffisante pour un ministère de confiance tel que le leur. La querelle devenait un gros procès, dans lequel entraient jusqu'aux coiffeuses. Un mémoire se publiait à Rouen, où les coiffeuses bonnetières et enjoliveuses, réclamant l'exécution des statuts rédigés en leur faveur en l'an 1478, déclaraient hautement qu'il y avait profanation à laisser les mains d'un perruquier toucher à une tête de femme. Le parti des coiffeurs, grandissant chaque jour, soutenu par les femmes, par toutes les élégantes de Paris, remportait à la fin une victoire éclatante. Une déclaration donnée à Versailles et enregistrée au Parlement, laissant subsister les coiffeuses pour le peuple et la bourgeoisie, agrégeait 600 coiffeurs de femmes à la communauté des maîtres barbiers et perruquiers. Et pour ramener les coiffeurs à ce nombre fixe de 600, pour les empêcher de mettre sur leurs enseignes académies de coiffure, il faudra bientôt un arrêt du Conseil. Pendant cette grande lutte, Le Gros était mort. Il avait été étouffé sur la place Louis XV dans les fêtes données pour le mariage de Marie-Antoinette. Paris ne l'avait guère plus regretté que sa femme, et le nom de Léonard, le nom de Lagarde, le traité des principes de l'art et de la coiffure des femmes par Lefèvre, achevaient l'oubli de son nom et de son livre en ouvrant à la nouvelle ère de la coiffure française. Imaginez la plus étourdissante, la plus folle, la plus inconstante, la plus extravagante des modes de la tête, une mode ingénieuse jusqu'à la monstruosité, une mode qui tenait de la devise, du sélam, de l'allusion, de l'à-propos, du rébus et du portrait de famille. Imaginez cette mode, le prodigieux pot-pourri de toutes les modes du XVIIIe siècle, travaillée, renouvelée, sans cesse raffinée, perfectionnée, maniée et remaniée tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, presque à chaque heure, par l'imagination des 600 coiffeurs de femmes, par l'imagination des coiffeuses, par l'imagination de la boutique des très galants, par l'imagination de toutes ces marchandes de mode qui doivent donner du nouveau sous peine de fermer boutique. Ce qui vole dans le temps, ce qui passe dans l'air, l'événement, le grand homme de l'instant, le ridicule courant, le succès d'un animal, d'une pièce ou d'une chanson, la guerre dont on parle, la curiosité à laquelle on va, l'éclair ou le rien qui occupe une société comme un enfant, tout crée ou baptise une coiffure. On est loin du temps où la mode s'espaçait d'année en année, où il fallait la fondation du courrier de la mode, en 1768, pour tirer de titres d'opéra comique 3 bonnets en un an, les bonnets à la clochette, à la Gertrude, à la moissonneuse. Au temps où nous sommes, à la mort de Louis XV, qu'est-ce que 3 coiffures pour toute une année? À chaque coup de vent, on voit changer les noms et les formes de ces manières d'architecture qui grandissent toujours aux grands applaudissements des hommes. Les hautes coiffures, au jugement du temps, prêtent une physionomie aux figures qui n'en ont point. Elles atténuent les traits, elles arrondissent la forme trop carrée du visage des Parisiennes, qu'elles allongent en ovale et dont elles voilent l'irrégularité ordinaire. L'allégorie règne dans la coiffure qui devient un poème rustique, un décor d'opéra, une vue d'optique, un panorama. La mode demande des parures de tête au jardin, au cerf, au verger, au champ, au potager, et jusqu'aux boutiques d'herboristerie, des groseilles, des cerises, des pommes d'api, des bigarous et même des bottes de chien dents jouent sur les cheveux ou sur le bonnet des femmes. La tête de la femme se change en paysage, en plate-bande, en bosquet, où coulent des ruisseaux, où paraissent des moutons, des bergères et des bergers. Il y a des bonnets au parterre, au parc anglais. Cette folie prodigieuse des accommodages composés, machinés, arrangés en tableaux, dessinés en cul-de-lampe de livre, en images de ville, en petits modèles de Paris, du globe, du ciel. Le coiffeur Dupfort la peint d'après nature dans la comédie des panaches. Lorsqu'il parle d'élégante, voulant avoir sur la tête le jardin du Palais-Royal avec le bassin, la forme des maisons, sans oublier la grande allée, la grille et le café. Lorsqu'il parle de veuve, lui demandant un catafalque de goûts et des petits amours, jouant avec des torches d'hyménées, de femmes désirant porter tout un système céleste en mouvement, le soleil, la lune, les planètes, l'étoile poussinière et la voie lactée, d'amantes qui veulent se montrer aux yeux de leur amant coiffées d'un bois de boulogne gardi d'animaux, ou d'une revue de la maison du roi. Et comment crier à l'exagération, à la caricature? Ne dit-on point que Bollard vient d'imaginer et de mettre sur la tête de la femme d'un amiral anglais la mer, une mer de Lilliput, faite de bouillons de gaz, une mer avec une flotte microscopique bâtie de chiffons, l'escadre de brimborion. Et ne voit-on point au commencement de 1774, dans les salons, dans les spectacles, cette coiffure incroyable, infiniment supérieure, disait le temps, à toutes les coiffures qui l'ont précédée, par la multiplicité de choses qui entrent dans sa composition et qui toutes doivent toujours être relatives à ce qu'on aime le plus. Ne voit-on pas cette coiffure du cœur, le pouf au sentiment? Décrivons, pour en donner l'idée, celui de la duchesse de Chartres. Au fond est une femme assise dans un fauteuil et tenant un nourrisson, ce qui représente monsieur le duc de Valois et sa nourrice. À droite, on voit un perroquet becquetant une cerise, à gauche un petit nègre, les deux bêtes d'affection de la duchesse, et le tout est entremêlé de mèches de cheveux de tous les parents de madame de Chartres, cheveux de son mari, cheveux de son père, cheveux de son beau-père, du duc de Chartres, du duc de Penthièvre, du duc d'Orléans. La vogue est aux coiffures parlantes. Voici, à la mort de Louis XV, les coiffures à la circonstance, qui pleurent le roi au moyen d'un cyprès et d'une corne d'abondance posée sur une gerbe de blé. Voici les coiffures à l'inoculation, où le triomphe du vaccin est figuré par un serpent, une massue, un soleil levant et un olivier couvert de fruits. Il semble que la France, en ces années, soit jalouse des inventions de la vieille Rome, des 300 coiffures de la femme de Marc Aurèle. Essayez de compter celles qui ont laissé un nom. Les coiffures à la candeur, à la frivolité, le chapeau tigré, la baigneuse, coiffure des migraines, le bonnet au Colisée, à la Gabrielle de Vergy, à la corne d'abondance, le bonnet au mystère, le bonnet au becco, le bonnet à la dormeuse, à la crête de coq, le chien couchant, le chapeau à la corse, à la caravane, le pouf à la puce, le pouf à l'asiatique, la coiffure aux insurgents, figurant un serpent si bien imité que le gouvernement, pour épargner les nerfs des dames, en défendait l'exposition. C'est le casque anglais orné de perles, le bonnet à la pouponne, le bonnet au berceau d'amour, à la bastienne, le bonnet à la crèche, le bonnet à la belle poule qui portait une frégate, toute voile dehors, la coiffure à la map monde qui dessinait exactement sur les cheveux les cinq parties du monde, à la zodiacale qui versait sur un taffetas bleu céleste le ciel, la lune et les étoiles, et l'aigret de parasol qui s'ouvrait et garantissait du soleil. Ce sont les coiffures à la Minerve, à la Flore, à toutes les déesses de l'Antiquité, les coiffures baptisées par Colombe, par Aucourt, par la Grandville, par la Cléophile, par Voltaire et par Jeannot des variétés amusantes. Il y a encore la Parnassienne, la Chinoise, la Calypso, la Thérèse, qui est la coiffure de transition entre la coiffure de l'âge mûr et celle de la vieillesse, la Syracusaine, les ailes de papillon, la Voluptueuse, la Dorlotte, la Toque chevelue. Enfin, cette coiffure qui tue les mantelets et les coqueluchons, la Calèche, dont la fille de Diderot, encore enfant, expliquait si bien les avantages à son père. « Qu'as-tu sur la tête ?» demandait le père, « qui te rend grosse comme une citrouille. C'est une calèche. » Mais on ne saurait tout voir au fond de cette calèche, puisque calèche il y a. Tant mieux, on est plus regardé. Est-ce que tu aimes être regardé? Cela ne me déplaît pas. Tu es donc coquette? Un peu. L'un vous dit, elle n'est pas mal. Un autre, elle est jolie. On revient avec toutes ces petites douceurs-là et cela fait plaisir. Ah, ça, va-t'en vite avec ta calèche. Allez, laissez-nous faire. Nous savons ce qui nous va. Et croyez qu'une calèche a bien ses petits avantages. Et ses avantages? D'abord, les regards partent en échappade. Le haut du visage est dans l'ombre, le bas en paraît plus blanc, et puis l'ampleur de cette machine rend le visage mignon. Un moment, cette furie des coiffures extravagantes était menacée, arrêtée par la vogue du hérisson. Une coiffure relativement simple, qui cerclait d'un simple ruban les cheveux relevés et se dressant en pointe. mais aussitôt les modistes effrayés, les boutiques désertes, redoublaient d'efforts et d'étalages. La mode repartait plus folle et faisait monter à 232 livres un chignon fourni par le perruquier de l'opéra à la Saint-Hubertie. C'étaient de nouvelles surcharges, de prodigieux empanachements qui enrichissaient les plumassiers, qui leur valaient d'un seul coup, d'une seule ville de l'étranger, de Gênes, où la duchesse de Chartres montrait ses panaches, une commande de 50 000 livres. Les échafaudages de cheveux montaient et montaient encore. Ils arrivaient à dépasser en hauteur ses coiffures à la Montociel, figurées sur de grands mannequins exposés en août 1772 dans un café de la foire Saint-Ovide, qui avait tant donné à rire au peuple accouru. C'est l'époque des coiffures si majestueusement monumentales que les femmes sont obligées de se tenir pliées en deux dans leurs carrosses, de s'y agenouiller même, et les caricatures françaises et anglaises exagèrent à peine en montrant les coiffeurs perchés sur une échelle pour donner le dernier coup de peigne et couronner leur œuvre. À peine si les portes d'appartements sont assez élevées pour laisser passer ces édifices ambulants qui sont à la veille de faire brèche partout où ils passent, quand Beau la remédie à tout par un trait de génie. Il invente les coiffures mécaniques qu'on fait baisser d'un pied en touchant un ressort pour passer une porte basse, pour entrer dans un carrosse. Coiffure qu'on appelle à la grand-mère parce qu'elle préserve des réprimandes des grands-parents. Une jeune personne se présente à eux, le ressort poussé à la coiffure basse. Puis, le dos tourné à la vieille femme, à la fée dentue, comme dit le temps, la coiffure en un clin d'œil remonte d'un pied ou même de deux. Bollard. Ne passons pas devant ce grand nom sans nous y arrêter un moment. Il est en ce temps le modiste sans pareil, le créateur, le poète qui mérite l'honneur de la dédicace du poème des modes par ses 1000 inventions et ses délicieuses appellations de fanfiole qu'on dirait à portée de cythère par le chevalier de Mouilly ou Andrea de Nercia. Les rubans au soupir de Vénus, les diadèmes arc-en-ciel, le désespoir d'opale, l'instant, la conviction, la marque d'espoir, les garnitures à la composition honnête, à la grande réputation, au désir marqué, aux plaintes indifférentes, à la préférence, au doux sourire, à l'agitation. Il étoffe soupirs étouffés, garnis en regrets inutiles, sans compter toutes les nuances combinées, disposées, imaginées par son goût, sortant de cette boutique assiégée d'où partent les couleurs qu'il faut porter, la couleur vive bergère, la couleur cuisse de nymphe émue, la couleur entraille de petit maître. Car au milieu de cette mode qui change, roule et se déplace sans cesse, il y a de temps en temps comme de grands courants de couleurs qui passent et pèsent sur elle. Un ton règne tout à coup partout. C'est tantôt la couleur boue de Paris, tantôt la couleur mer de doigts, tantôt la couleur puce. Une couleur qu'il suffit de porter en 1775, au dire de Bézembal, pour faire fortune à la cour. Une couleur rappelée à toutes les pages de Vulcidor et Zulmeni, le roman de Dora. Une couleur nommée par Louis XVI et multipliée par l'imagination des teinturiers en toutes sortes de nuances et de dérivés. Ventre de puce en fièvre de lait, vieille puce, jeune puce, dos, ventre, cuisse, tête de puce. Mais voilà qu'au plus beau moment de son triomphe, la couleur puce est tuée par la couleur cheveux de la reine, une couleur qui naît d'une comparaison délicate trouvée par monsieur à propos de satin présenté à Marie-Antoinette. Sur le mot de monsieur, une mèche d'échantillon de ses jolis cheveux blonds cendrés est envoyée au Gobelin, à Lyon, aux grandes manufactures, et la nuance, pareille à l'or pâle, que les métiers renvoient, habille pendant tout un an la France aux couleurs de la reine. Ce n'est pas la seule invention de la mode à laquelle la grâce de Marie-Antoinette sert de marraine et donne la fortune. Dès son arrivée en France, elle avait fait adopter sous le nom de coiffure à la dauphine cette coiffure qui donnait à la chevelure élevée et s'épanouissant au-dessus du front l'apparence d'une queue de paon. En 1776, les femmes se disputaient la coiffure appelée le lever de la reine et le pouf à la reine. Les fichus larges et bouffants, les fichus que l'on comparait à des pigeons pattus, se taillait sur les fichus portés par la reine à ses relevailles de couches. Le nom de la reine était donné à une robe qu'inventait Sarrazin, costumier de leurs altesses nos seigneurs les princes et directeur ordinaire du salon du Colisée. Et lorsqu'elle avait un second fils, cette robe prenait une garniture au nouveau désiré. Enfin, au brocart, au pompon, au plumet, à la folie d'ornement du grand habit de cour, elle faisait succéder par l'influence de son exemple la mode des volants de dentelle étagés sur une robe de satin uni. Vers 1780, une grande révolution s'accomplit dans la mode, la révolution de la simplicité, au milieu de laquelle Walpole, passant dans une voiture décorée de petits amours, se fait à lui-même l'effet du grand-père d'Adonis. À côté des hommes abandonnant l'usage de l'habit à la française, du chapeau sous le bras, de l'épée au côté, et ne se montrant plus guère dans ce grand costume qu'aux assemblées d'appareils de noces, aux bals parés, aux repas de cérémonie, les femmes quittent les robes de grande parure. Se couvrant la gorge et le col, elles coupent ces queues de robes qui traînaient d'une aune derrière elles. Elles mettent à bas les grands paniers, et c'est à peine si, pour se donner une certaine ampleur, elles portent de petits coudes aux poches. Le costume, la toilette, n'est plus un décor magnifique plein d'enflure, majestueux par le développement et l'extravagance d'ornements. La femme renonce même aux échafaudages de cheveux, elle se coiffe en bonnet, et de toute l'ancienne toilette française, elle ne garde que le corps. Le renouvellement est complet, il va de la tête aux pieds. Sur la tête, la femme ne porte plus une livre de poudre blanche. Elle s'est enfin laissée persuader que cette profusion de poudre grossit et durcit les traits, qu'elle affadit le visage des blondes, qu'elle noircit le teint des brunes. Et ce n'est plus dans les coiffures qu'un soupçon de poudre, encore atténué, éteint, avec de la poudre blonde ou rousse. Enfin, dernier changement qui désole Rétif de la Bretonne, les femmes ne portent plus de souliers à hauts talons. Qui sait si la mode n'a pas été touchée ? De l'observation de l'anatomiste Winslow, que les hauts talons font remonter le mollet trop haut chez les femmes du monde, déplacement qui n'a pas lieu chez les danseuses usant de souliers plats. Des souliers plats, c'est le nouveau goût de la femme faisant succéder à sa démarche voluptueuse et balancée par les mules la démarche courante et l'allure cavalière de l'homme. La mode féminine ne s'ingénie plus qu'à être simple. Elle ne fait plus travailler les couturières et les tailleuses que sur la mode masculine ou la mode anglaise, ces deux patrons de simplicité. Ce ne sont plus que robes simples, les chemises, les robes à l'anglaise, à la turque, à la créole, à la janséniste, et les robes à la Jean-Jacques Rousseau, analogues au principe de cet auteur, robes de burin avec une alliance d'or au cou. Les cheveux s'arrangent en catogan, à la conseillère, en manière de perruque d'homme de robe, et sur les cheveux, plus de lourds chapeaux, mais seulement une guirlande de roses. La redingote, le gilet coupé et la cravate au col en guise de mouchoir, tel est le costume courant à cette heure où la tenue du matin devient la tenue de la journée, où les femmes se présentent en casaquin à l'audience des ministres. La cour elle-même, la femme de cour est obligée de céder à ce grand mouvement de simplicité. Elle ne porte plus que des paniers moyens, des garnitures de jupes, des manches posées à plat et ne formant qu'un seul falbalas. On lui voit même, innovation inouïe, un jupon et un corset qui ne sont pas de la même couleur. Des mères, la mode va aux enfants. On cesse d'en faire ces poupées et ces miniatures de grandes personnes que montrent jusque-là les gravures du siècle. Ils prennent le chapeau de jonc, la veste et le gilet de la marinière. Les petites filles, les cheveux sans poudre et seulement retenus par un ruban bleu, n'ont plus qu'un fourreau blanc de mousseline sur un dessous de taffetas rose, toilettes sans façon comme leur âge, laissant à leur vivacité, à leur activité, une liberté qui scandalise les vieilles gens habitués aux grands habits de l'enfance. Au milieu de cette mode rejetant tous les produits de Lyon, les lampas, les superbes droguets, les persiennes, les étoffes brochées en soie, en argent ou en or, éclate le goût des batistes et des linons, mode apportée à la France par la jeunesse d'une reine. La femme se voue au blanc, partout se montrent ses grands tabliers, ses amples fichus sur la gorge qui lui donnent un air piquant de chambrière et de tourière moquée par Madame de Luxembourg, chantée par le chevalier de Boufflers. Puis, à la simplicité des étoffes blanches, se mêle la simplicité de cette paysannerie qui remplit alors les romans, les imaginations, les cœurs. Les bijoux rustiques en acier, les croix et les médaillons balancés à un cordon de cou, prennent la place des diamants qu'on n'ose plus porter. Chapeau à la laitière, à la bergère, à la bâche, coiffure à l'ingénu, bonnet à la Jeannette, souliers à la Jeannette, habit de bal à la paysanne, c'est une garde-robe qui semble sortir de la corbeille de noces de l'accordé de village. Et dans le zèle de ce retour au naturel, de ce furieux effort vers la naïveté du costume, vers l'ingénuité des dehors, la femme ne s'arrête pas là. Il arrive, avant la Révolution, un moment où toute la mode de la femme, tout ce qui l'habille et la part, est à l'enfant.